Je sais qu'un jour tu m'aimeras. Je sais que tu m'embrasseras. Je sais que ce jour-là viendra. Alors tout dansera, alors tout chantera. Je sais qu'il n'est pas loin le jour où tu m'apporteras ton cœur et ton amour, en me disant je t'aime, t'aime pour toujours. Alors tu chanteras jusqu'à la fin des jours. Ma chambre sera comme un palais de roi et mon cœur éclatera de joie. Partager avec moi et ma vie et mon temps et mon doigt. Toi, ma chambre sera comme un palais de roi et mon cœur éclatera de joie lorsque tu viendras partager avec moi et ma vie et mon